Le journal sud-coréen Une Nation a fait paraître le 5 un éditorial contre l'entretien de Bakouné adressé à la population. L'auteur indique que bien que Bakouné a présenté ses deuxièmes excuses pour le scandale d'outrage à la politique de l'État, elle ne peut jamais apaiser l'opinion publique, mais elle doit enlever rapidement sa main aux affaires politiques. Par ailleurs, le journal américain Wall Street Journal a souligné à travers l'éditorial du 31 octobre que Bakouné a répété le passé de son père, dictateur, et que la Corée du Sud, qui n'a pas liquidé le passé obscur de l'adhésion politico-économique, le payera cher.